Voilà, ça marche. En fait, tu enregistres quoi? La vidéo La ou bien discussion, comment la tu fais? discussion, la discussion. Uniquement. D'accord. Il n'y a pas de vidéo. D'ailleurs, je te vois même pas. Ah bon? Bah non. Alors attends, qu'est-ce que je dois faire? Partager votre écran, naviguer sur le web. Bon, démarrer la présentation suivante. Alors ça c'est quoi ça? Ajouter les contacts, bon, ça va. Disposition de l'appel. Il faudrait que tu cliques sur la petite caméra. Voilà, est-ce que c'est mieux comme ça? Ouais, je te vois. Tu avais Ça y pas... est. Ah oui, ça y est. On dirait Pierre Bellemare. T'es très radiophonique comme ça. Avec mes oreilles. Ouais. Ah, tu m'écoutes avec un casque. D'accord. Oui. D'accord. Bon, comment vas-tu? Ça va tous les deux? Vous allez bien? Oui. Oui? Ça va très bien. Bon, le fait d'être allé à Auray nous a mis à l'écart pendant un moment. Ouais, bah ouais, qu'est-ce Moi, que tu veux? je suis quand même allé à. Je suis quand même allé à Séville. Là-bas, j'ai rencontré des gens, mais ils n'avaient pas encore ce problème de coronavirus. J'étais le seul, en fait, enfin, j'ai mis le pied sous la table en disant bon, bah, écoutez, je mets mes gants et puis on garde un peu de distance parce que même si on n'en parle pas encore chez nous, on ne sait jamais. D'accord, très Et bien. finalement, tout le monde s'est mis à le faire. Et finalement, Bon. voilà, bah, on est en pleine forme. Tout va bien. Bon. Tout va bien. Et Sylvie va bien aussi? Sylvie va bien aussi, Ah. elle est à la cuisine là. Ah, elle est à la cuisine. Bon, eh bien, on va la saluer et l'embrasser bien fort. Eh bien, écoute, merci pour le mail que tu m'as envoyé. J'y ai donné suite immédiatement en créant sur le site les pages que tu venais de me proposer. Nous allons maintenant, si tu veux bien, parler un petit peu de tout ça. Alors, je vais quitter la vidéo pour rejoindre le site. Et est-ce que toi-même, tu es sur le site? Est-ce que ça te... Alors attends, je regarde ici. Ah bah la petite façon, la vidéo se met sur le côté là. Ouais. C'est là où tu as mis le tableau de Michel-Ange, hein, c'est ça? C'est là où j'ai mis le tableau de Michel-Ange et je te vois apparaître dessus. Alors, déjà, ce que je voulais, c'était bien vérifier que tu aies la main là-dessus. Tu peux essayer de... Bah, on est sur la première page. Oui. Là, je suis sur la première page. Eh bien, Je la me vision... suis mis Essaye de sur. corriger le texte, la vision, la course du soleil d'est en ouest. Essaye de corriger ça pour voir. Je te laisse la Alors, main, je touche à rien. je vais mettre et de la lune. Et après ça, il faut que D'accord, ça j'enregistre. va. Donc, juste, c'était juste pour vérifier que tu y aies bien accès, que les choses se passent bien de ton côté. Je voulais juste regarder également avec toi comment les choses se passent du côté du drive. Est-ce que tu sais de quoi je parle quand je parle du drive? Tout à fait. D'accord. Est-ce que je voulais savoir si tu avais accès à mon drive ou pas? Alors, je vais voir ça tout de suite. Hop, je vais là. Ça, il faut que je te déplace parce que tu es à un endroit indésirable pour l'instant, donc Ah, sur l'écran. bon alors. Sur l'écran, sur Ah, l'écran. bon, ça va alors. Alors, allons-y dans le drive. Est-ce qu'il est... Voilà, drive. Si tu veux, ma Alors... vérification, elle est de savoir. Je l'ai. Tu l'as? Je l'ai. Est-ce que tu as mon Cher. drive ou tu as le tien? Alors, moi, j'ai partagé avec moi. Mais. Voilà. Dans le partage avec moi, je l'ouvre pour voir. Mets un petit temps. Il va s'afficher. Voilà. Et là, quand je veux le. Ben, je vais mettre course du soleil et de la lune. Et je peux le modifier. Voilà. D'accord, ok. Donc tu as accès au drive, ça c'est clair. Est-ce que tu as accès à tout ton drive à toi? C'est-à-dire, tu dois avoir des choses peut-être que tu as mis là-dessus, peu importe quoi, ça ne me regarde pas. Je voulais savoir si tu avais bien accès, quand tu étais sur ton drive, tant Oui, au site qu'aux choses que tu as avec toi. Ça là c'est va. bon. Là, je suis dans les drives, dans les choses qui sont partagées avec moi, et je peux retourner sur mon drive D'accord. avec des choses que je ne partage pas avec tout le monde. Ben voilà, Eh c'est ben très bien. voilà, d'accord, ok. Bon, eh ben alors côté Google, on est parfaitement en phase. Maintenant, Eh bien, on va, je réactive le site et nous allons parler de ça. Si tu veux bien, je mène la barque, mais sache m'interrompre quand tu l'estimes nécessaire. Tu vois en haut à droite que j'ai répercuté les pages que tu m'as données à l'instant. J'ai une page accueil, grandir ensemble. Dans un jardin, merveilleux. Voilà, oui. D'accord. Bon. Alors, déjà, j'ai trouvé très bien ta nomenclature, hein, puisque c'était la réponse à la question que je t'avais posée, de savoir un peu qu'on ait une trame sur laquelle on peut travailler. Question. Je n'ai pas d'informations concernant la page d'accueil. Et la page d'accueil, c'est ton... C'était la page 1. Ouais, c'est la page 1, je sais bien. C'est la page 1, elle n'a pas de nom. Non. Bon, moi je l'ai appelé accueil pour l'instant, mais si on veut lui donner un nom, il sera encore temps. D'accord ? Si je comprends bien, ta page d'accueil, c'est un quadriptyque des pages 2 à 5 qui vont suivre. Mais est-ce que là, il ne serait pas temps, sur cette page d'accueil que j'ai mis en référencement chez Google, d'amener les gens et de les préparer vers le merveilleux, quoi. En gros, c'était le quadriptyque avec... En fait, il y en a 5, puisqu'il y a le petit carré central, normalement, dans ce quadriptyque, où quand tu cliques dessus, tu vas sur merveilleux. Voilà. Et normalement, en cliquant sur chacune des photos, on doit aller sur la page correspondante. Ah, et ben ça, c'est pas le cas ici, hein. Voilà. Ben là, de toute façon, ce que je t'ai envoyé, c'était du Word. Alors forcément, il n'y a pas le lien. D'accord. Ah oui, donc toi, tu partirais de cette idée où on a une page... ce que j'appelle une page d'accueil, hein, pour lui donner un nom de maintenant. Et sur cette page d'accueil, on aurait une sorte de quadriptyque, même de quintiptyque, puisque le petit carré... alors, le petit carré, c'est le merveilleux, hein, petit carré rouge. Oui, donc, à partir de là, comment tu vois les choses? Raconte-moi un peu... D'abord, de quel document quel support tu as. Les photos que tu as faites, c'est des photos issues de quoi, d'où, etc. Ce sont les photos que j'ai faites. Que tu as faites, voilà. Toi. Dont la, alors, là, je reviens sur le petit sur le Word, donc pour CPW. Mmh. Où dedans, en fait, il y a créer, grandir ensemble dans un jardin avec l'eau. Et là-dedans, en fait, le petit carré représente une élévation supplémentaire, ou là, en fait, quelque chose que l'on peut pas, on a du mal à représenter sur un écran plat, c'est-à-dire quelque chose qui permet de prendre de la hauteur au contact de tout ça. Donc, lorsque le... Je t'interromps. C'est intéressant ce que tu dis là, mais comme tu dis, sur Internet, ça passe pas bien. Par contre, ce qui pourrait très bien passer, c'est la symbiose de ces 4 ou 5 ou 6 éléments qui nous permettrait, lorsqu'on clique sur le petit carré rouge, d'avoir une symbiose de tout ça, quoi. Parce que, est-ce que je résume bien ta pensée en disant que pour avoir du merveilleux, il me faut de l'eau, il faut que je crée, et que je grandisse, il faut que l'on soit ensemble dans un jardin. Est-ce que c'est le condensé de tout ça qui va nous amener au merveilleux? Ce sont en fait les 4 domaines qui sont indispensables, dans lesquels nous sommes, et qui vont pouvoir être transcendés par... Alors, sans doute un plus, ce que j'appelle le 1 plus 1 supérieur à 2. C'est-à-dire que lorsqu'on est Lorsqu'on est ensemble, en fait, c'est beaucoup plus productif que lorsque on est que le 1 plus 1. Quoi. Tout à fait. C'est-à-dire, il se développe, en fait, il se développe quelque chose. Ben, quand tu parles de symbiose, il y a de ça. Bon, c'est vrai que moi, je mets un peu le côté divin dedans, mais le côté divin, le faire apparaître sur Internet, c'est très, très difficile. C'est pour ça que je disais que le côté merveilleux, c'était plutôt... comment dire ça, des témoignages qui vont en fait parler de quelque chose qui va piquer dans le jardin, piquer dans l'ensemble, piquer dans le créer et grandir et piquer dans l'eau. Quoi. D'accord. Bon, alors, je comprends bien ta démarche, mais si je reviens à ton quadriptyque, il en manque un. Avec de l'eau, créer, grandir, ensemble, ouais. Dans un jardin. Et puis le milieu, c'est le merveilleux. Ouais, d'accord. Ça, faut peut-être le dire. Là, pour l'instant, sur la page 1, je n'ai fait que les photos et puis l'aménagement, mais par contre, je n'ai mis aucun commentaire. Alors là, oui, il y a des choses que l'on peut, qu'on peut rajouter. Je crois qu'il faut expliquer tout ça. Alors, moi, ce que je trouve bien, si tu veux, c'est que je fais référence à la première rencontre, et même la seule qu'on ait eue, où on ait pu disserter convenablement, et où je te rappelais que, bon, ben, le merveilleux sur Internet, c'est pas gagné. Quoi. Bon, alors, là, petit à petit, tu es en train de formaliser tout ça, de façon à prendre ton auditeur, ton auditoire, et l'amener vers le merveilleux, si tu veux. C'est ça. Bon. À partir de là, il va bien falloir l'expliquer. Et je pense que la page d'accueil, si tu veux, elle doit être extrêmement simple. Et moi, ce quadriptyque ou quintiptyque, comme tu veux, il me va très bien. Mais il faut l'expliciter parce que sinon, on passera à côté, si tu veux. On va perdre. En un mot, l'objectif, c'est d'éviter de perdre son auditoire. Hein. Les gens se promènent sur Internet et qu'ils ne comprennent pas, bah, ils zappent. Ils vont même pas à la page 2, ils zappent complètement. On va pouvoir suivre ce non-zapping ou ce zapping, selon qu'on réussira ou pas à créer l'envie d'aller plus loin à l'auditoire, parce que j'ai mis un compteur chez Google de façon à ce qu'il analyse les visites qu'on va avoir. Oui. Ce compteur, il va être organisé autour des mots directeurs. D'accord. Ces mots directeurs, c'est ceux-là qui doivent apparaître en première page. Oui. C'est ceux-là que l'on va retrouver dans les pages suivantes. Oui. Et c'est à travers ces mots directeurs que l'on va rebondir de la page 1 vers la page 2, la page 3, etc. Quand je dis on, c'est pas nous, c'est, bien sûr c'est nous qui le formalisons, mais c'est l'internaute qui se promène. Voilà un peu comment j'entrevois les choses. Alors, question. En termes de disposition, je vais sur le site. Si tu peux en faire autant. Voilà, j'y suis. Alors, sur le site, si tu veux, j'ai fait une présentation que je qualifierais de moderne par rapport à une présentation plus ancienne que tu as adoptée en son temps. La forme moderne, effectivement, consiste à mettre les chapitres en tête de... en tête de page, et non pas sur le côté droit ou le côté gauche, comme on le faisait dans le temps. Les choses ont un peu changé. Alors, question, est-ce que, parce qu'il est toujours temps de bien faire dans ce domaine, est-ce qu'on les laisse comme ça, ou est-ce que tu les préférerais à cette tête de chapitre, à droite ou à gauche? Non. Tu sais, moi j'ai fait sur l'autre site, J'ai fait au plus simple et je n'ai même pas voulu changer du Google site ancien vers le Google site nouveau. D'accord. Parce que bah, je n'avais pas trop le temps de me lancer là-dedans. Donc, tu fais une proposition, elle me convient. D'accord. C'est très bien comme ça. D'accord. Alors, tu vois que, si on reste sur le site, bon, je conserve toujours la page d'accueil, mais on lui donnera un autre nom quand il conviendra. J'ai donc répercuté les pages que tu... la nomenclature que tu viens de me faire passer. Oui. Il y a quelque chose sur ces pages? Non, pas encore. Si. Ah, non, oui, oui, il y a quelque chose. Oui. Tu peux les cliquer, mais c'est... Ah oui, j'ai vu. Tu vas avec de l'eau, quoi. T'as pas grand-chose, quoi. Hein. Oui, t'as pas grand-chose. Si, t'as une suggestion à créer et grandir. J'aime bien, dans l'intervalle... tant qu'on n'a pas formalisé un peu mieux le jardin, j'aime bien le sigle de Saint-Goustan. Bon, on peut, j'ai refait d'autres photos, si tu en étais d'accord, on peut adopter une présentation comme ça, de même qu'on peut conserver Adam et Dieu, etc., dans ce très joli tableau de Michel-Ange, hein, c'est Michel-Ange qui a fait ça. Oui, ouais. C'est Michel-Ange. Voilà, alors, donc ça, la photo est quelque chose d'extrêmement important, si tu veux. Hein. Oui. Aujourd'hui, les accroches, elles se font peu avec le texte, mais déjà avec une photo, ou un tableau, peu importe, et ensuite le texte vient, pour étayer et conforter la démarche. Alors, question. Est-ce que qu'est-ce que tu verrais comme photo, comme logo, comme etc., en première page? Est-ce que tu veux la même chose sur les autres pages, etc. Comment vois-tu l'organisation et la présentation de ton jardin merveilleux? Alors. Tu vois, le tableau Michel-Ange, moi je l'aurais bien mis dans le côté merveilleux. C'est-à-dire. D'accord, c'est à la fin. Alors, d'accord. Enfin, c'est à la fin sur la page où en fait tout est transcendé. Voilà. D'accord. D'accord. Alors, il y est, hein, coup de bol. Va à la page merveilleux, il y est. Et voilà, comme ça il y est déjà. Bon, d'accord, tu vois, j'étais précédé. Une chose, là, je les vois apparaître, tout ça, c'est entre guillemets, le merveilleux, le dans un... C'est genre. Exact. Bon, alors, est-ce qu'il faut le laisser entre guillemets ou pas? Tu réfléchis, pour l'instant, c'est comme ça. J'en sais rien, je me pose des questions, moi aussi, j'ai pas de solution. Non, le merveilleux, ça va, en fait, c'est la page qui va expliquer, qui va faire confondre, surtout, le côté merveilleux. Et c'est vrai que c'est la page la plus, celle, comment dire ça, j'allais dire, c'est à la fois pas simple, mais c'est, comme ce sont des témoignages, c'est simple aussi. Alors, disons que c'est la représentation qui risque de pas être facile, quoi, sur cette page-là. Tu viens d'employer le mot témoignage, tu peux expliciter? Témoignage, c'est à partir de... Ben, je crois que je l'ai mis un peu mis hein, dans le... J'y suis sur ton texte. Voilà, je l'avais mis dans... Se représenter que ce carré rouge est une colonne qui permet de prendre de la hauteur. La page merveilleux assemble des témoignages de personnes, d'accord. C'est ça. Constatant qu'à un moment de leur vie, elles avaient été témoins qu'il y avait quelque chose qui avait dépassé l'entendement humain. Au-delà de tous les raisonnements, une intervention divine, etc. Bon, c'est toi qui fais du jazz? Non, c'est mon téléphone qui sonne. D'accord. bon, ouais. Alors, parce que en fait, sur les autres pages, bon, ça fait 20 ans que j'assemble que je récolte des photos. Il y a des choses qui sont assez fantastiques déjà à voir dans le jardin, des choses qui sont aussi très représentatives de la création et de la croissance. J'aime pas le terme croissance parce qu'il a maintenant une signification économique, c'est casse-pieds, ça. Tout à fait. Voilà. C'est le jardin qui grandit. Oui, de toute façon, le mien, il fait 1160 mètres carrés, il ne va pas être plus grand que... Ouais, mais ça va être sublime. Oui. C'est ce vers quoi il faut aller, tout du moins. C'est ça, c'est-à-dire qu'il va donner l'impression d'être beaucoup plus grand qu'il en est à la réalité. Quoi. Bon, c'est sans doute ça que l'on va observer, que chacun va observer. Mais en fait, on arrive à, dans les quatre autres domaines, on arrive à faire quelque chose. J'arrive, et on va encore en découvrir suffisamment pour pouvoir attirer l'attention et montrer des choses qui sont assez époustouflantes. Quoi. Alors, je t'arrête là, juste là. Oui. Tu dis, j'ai suffisamment, je peux montrer des choses époustouflantes. Est-ce que tu peux étayer ça? Moi, j'ai besoin de concret, si tu veux, pour... Oui. Est-ce que tu peux étayer ce que tu viens de dire? Bah, tu peux regarder ne serait-ce que les quatre petites photos là, que je t'ai envoyées. Ouais. Quand c'est le jardin, en fait, c'est la photo du TID aux Canaries, ouais, avec le champ de lave qui est juste devant. Ouais. Ce sont des endroits qui ont, en tout cas, qui m'ont énormément impressionné. Ça t'a impressionné, toi. Voilà. Mais c'est plus à toi qu'il faut penser, c'est aux autres. C'est ça. D'accord? Pardonne-moi de te perturber un peu. Oui, mais c'est bien. C'est important. Mais ce sont des endroits que j'ai proposés et auxquels j'ai proposé à des amis d'emmener pour qu'ils ressentent. Parce que des photos, on en voit tellement maintenant sur Internet, on en voit tellement dans les journaux, que est-ce qu'on peut être encore impressionné par une photo? Par contre, dans une ambiance, lorsqu'on est dedans, c'est assez monstrueux. Alors, c'est intéressant ce que tu dis là, et on va faire un échange. Un échange parce que le TID, j'y suis allé, avec Michaela, il y a une quinzaine d'années, et moi, ça m'a beaucoup moins impressionné que toi. Oui. Bon. Pour moi, il y a un grand champ de lave qui dégouline le long d'une montagne, c'est très noir, c'est très gris, c'est pas très photographique. Oui. Et de là à emmener ton auditoire là-dessus, c'est pas gagné, quoi. Voilà. Hein, pardonne-moi d'être un peu agressif, voire caustique, voire critique, mais je préfère te préparer à quelque chose, à casser un peu ton rêve, à casser un petit peu ton rêve. Bah, je te dirais que cette photo-là, je l'ai prise, ce que j'ai fait là, je l'ai fait il y a une heure, hein, donc et je l'ai fait rapidement. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres endroits que j'aurais pu mettre. Bon, j'ai choisi celle-là parce que je sais que c'est un endroit... on n'a pas énormément voyagé non plus. Hein. Mmh. C'est-à-dire que pour ceux qui voyagent beaucoup, je dirais qu'il y a beaucoup d'endroits qui finissent par se ressembler. Et puis, je me souviens d'un gars à l'aéroport qui, en fait, rendait une carte de réduction de Air France qu'il avait, parce que sans doute il avait été pilote ou un truc comme ça, et qui disait, j'en ai plus besoin parce que j'ai vu tellement de choses qu'il n'y a plus rien qui m'impressionne. Voilà le... Blasé. Et ça nous avait... j'étais avec Sylvie et on s'était hérissé de ce genre de choses, de voir qu'il y avait des gens qui n'avaient plus rien, quoi. Bien sûr. Mais oui, ils sont blasés. Ils sont complètement blasés. Bon. Et là, par exemple, la deuxième photo, c'est une photo que j'ai prise ce matin, puisque j'ai un collègue qui travaille dans ARIA 2E2D sur enseigner avec les ponts. Et donc, il avait préparé une intervention auprès d'une soixantaine de jeunes. Il m'avait demandé de venir, donc je suis venu avec mon appareil. Et tout en restant un peu à l'écart avec toutes les précautions quand même, Ceci étant, Strasbourg n'est pas encore cluster, hein, donc on peut encore se promener. Ce qui m'avait amusé, c'était de voir, lorsqu'on leur demandait de construire quelque chose, de voir toutes ces mains qui participaient à la construction. D'accord. D'accord. C'est la photo ensemble, ça. C'est la photo ensemble. D'accord. D'accord. Ouais. Alors ça, c'est parlant. D'accord. Ok. On continue. La photo avec l'eau qui est juste au-dessus, c'est une photo que j'ai prise sur mon balcon avec l'hydrophobie d'une feuille par rapport aux gouttes de pluie qui était tombée dessus et qui restait stagnée. Voilà. D'accord. Ok. C'était assez joli à voir. D'accord. Et puis l'autre, c'est la photo de mon petit-fils, complètement, phagocyté par la découverte d'un objet qu'on vient de lui mettre dans les mains et qui nous fait rire à chaque fois que vous la regardez. Que la regarde. Voilà, d'accord. Question. Est-ce que ces photos sont destinées à alimenter le site? Est-ce que c'est des photos pour donner des idées et faire évoluer la pensée? Est-ce que c'est des photos... En un mot, quelle destination tu veux avec toutes ces photos? Ben, l'objectif de la photo, c'est d'inciter l'internaute à aller cliquer dessus pour aller voir plus loin. D'accord. C'était ça le principe. D'accord. Alors, je suis là-dessus. Moi, est-ce que je suis expert en la matière pour manipuler l'internaute et l'obliger à aller... Je ne sais pas comment... Mais il faut savoir, si tu veux, que les photos... Il faut savoir que quand tu prends une photo, elle a un sens. Elle a un sens pour toi, et puis elle a un sens pour celui qui la regarde, qui est autre que toi. Mmh. Et chacun interprète cette photo. Ce qui paraît important, c'est que cette photo ait suffisamment de sens pour guider ton internaute vers le merveilleux, l'amener à cliquer de photo en photo pour aller vers le merveilleux. Hein? Mmh. Et à partir de là, si tu veux l'amener à cliquer, il faut le surprendre, il faut l'étonner, il faut... C'est très compliqué. Mais d'amener les gens à cliquer quelque part, ça paraît simple, parce qu'on fait ça mécaniquement X fois par jour, mais c'est un acte qui est quand même très très compliqué. Par contre, ça peut être un enjeu. Ça peut être un enjeu parce que tu as aujourd'hui, chez Google, la possibilité de suivre tous ces clics. Tu as la possibilité, quand tu es sur les sites d'analyse de sites web, de voir les centres d'intérêt de ton auditoire. Il va plus vers tel endroit que vers tel autre. Et du coup, on peut faire évoluer aussi en fonction de... Pardon ? Et du coup, on peut faire évoluer en fonction de... Exactement. C'est-à-dire que tu améliores ton référencement, hein, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, tu améliores ton référencement et tu fais en sorte de promener, entre guillemets, ton auditoire. Là, si tu veux, on est dans des systèmes, je dirais, on est dans le béaba de l'informatique, on est dans le béaba du marketing qui nous environne, hein, où on te promène de page en page et de lien en lien pour t'amener là où on a envie de t'amener. Alors, si je te parle comme ça, c'est que là, on rentre un petit peu dans la mécanique interne d'un site et dans sa capacité à promener les gens et à qu'est-ce qu'on veut en faire, où est-ce qu'on veut les amener et comment on veut y amener, tout en sachant que le chemin, et c'est pas à toi que je vais l'apprendre, est plus important que le but. Oui, d'accord. Là, le problème, c'est que oui, tu tu parles de ça, mais moi, je ne suis pas expert. Non, ce n'est pas de l'expertise. Je te présente les choses telles qu'elles sont, de façon à ce que tu puisses... tu viens de nous envoyer un support qui nous permet de deviser, d'échanger. C'est une très bonne matière première. Et c'est, à mon sens, comme ça qu'on avancera, et qu'on avancera assez rapidement. Mais mon rôle, c'est de te pondérer d'un côté, de te pousser de l'autre, de t'inviter à jouer avec ton auditoire, quoi. Oui. Sauf que mon jeu, il est beaucoup moins maintenant dans l'ordinateur, que j'ai énormément utilisé, au point que maintenant il faut que je porte des lunettes, parce que sans ça je vois plus rien. Et de plutôt aller sur le terrain, c'est-à-dire montrer tout à fait, ce qui se passe sur le terrain. Donc tu rends concret toute ta démarche qui était abstraite. Maintenant, il faut la concrétiser. Et pour la concrétiser, il faut de la matière première. Oui. Oui. Il n'y a plus qu'à. Alors, c'est quoi la matière première pour toi ? La matière première, moi, si tu veux, ce qui me paraît intéressant, c'est ton quadriptyque ou ton quintuptyque, je ne sais pas comment on peut dire. Oui, oui. Ça me paraît être une bonne approche. Une approche un peu puzzle, mais c'est un jeu. Oui. Et ça, jouer avec les gens, c'est une bonne façon d'être avec eux, quoi, et de faire du collaboratif. Si tu les ennuies, ces gens-là, ils vont pas jouer, ils vont quitter ton site. Par contre, si tu sais les attirer avec une matière première riche qui te donne envie d'aller plus loin, là tu gagnes. Alors, il faut savoir aussi là-dedans que je rajoute un peu de pas de matière pour ce site, mais pour expliquer que si je suis allé à Séville, c'était parce que il y en a d'autres, et d'autres gens qui sont intéressés dans d'autres pays et qui vont faire la même chose, c'est-à-dire qu'ils vont aussi créer un site qui sera dans langue maternelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas s'amuser à se mettre en anglais. Les Brexit, là, ils sont partis maintenant, c'est leur... Donc, c'est de dire que ça sera beaucoup plus pour un espagnol. Si le site est en espagnol, ce sera beaucoup mieux que d'essayer de comprendre ce qui se passe en anglais. Très bien, ça. Oui, mais alors, est-ce que vous avez évoqué une matrice commune Non, pas du tout. Là, pour l'instant, pour moi, c'était les mobiliser, commencer à les faire rêver. Voilà le principe. D'accord. Et donc, je leur ai... T'as réussi ? J'ai fait un témoignage là-dessus sur plusieurs événements que j'ai vécu ces dernières années et qui font que j'arrive à Auray, qui est à 1000 km de l'endroit où j'habite, que les choses se passent un peu comme si elles étaient préparées à l'avance. Et de dire, il y a un chemin qui est en train de se créer, et pourquoi il ne se créerait pas chez vous, ce chemin ? Mais avant de se créer, c'est de dire, c'est pas à nous de le créer, c'est qu'il y a quelque chose qui nous précède à ça. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui m'intéresse aussi à Auray, c'est qu'il y a, en fait, il y a quelqu'un, il y a quelque chose qui nous précède. D'accord. Alors... Et donc, c'est pour ça que quand Michaela m'a annoncé qu'elle pouvait pas nous accueillir, ça m'a un peu amusé, parce qu'en plus de ça, tu vois, on vient de recevoir un message comme quoi il y a un affaissement qui a eu lieu sous la voie de chemin de fer entre Strasbourg et Paris, et du coup, ça va proposer des histoires. Ça m'amuse, ça, parce que je ne sais pas, en fait, quel est le chemin qui va en déduire, qui va en être... qui va faire que je peux venir ou que je ne peux pas venir, ou que je serai appelé à être ailleurs, je ne sais pas. Mais c'est super. Ce genre de choses, moi, ça... Regarder devant, c'est pas « Ah, j'aurais bien voulu y aller, c'est raté », c'est plutôt de dire « Ah, quel développement il va y avoir ?» D'accord. Tu as bien compris dans quel état d'esprit, Michaela, t'a écrit. On était très gênés. Oui, elle m'a écrit, d'ailleurs. Oui, mais elle était très mal à l'aise. Elle ne savait pas comment s'y prendre, quoi. Voilà. Oui. Et moi, je vous remercie de votre compréhension Et je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens de continuer ensemble avec les outils qu'on utilise là maintenant et, oui. et sans perdre de temps, quoi, sans perdre de temps. Tout en sachant que dès que tout ça revient à en bonne santé partout, et ben, les portes s'ouvrent, hein, se réouvrent, il n'y a aucun souci de notre côté. Hein, d'accord ? Oui. Bon, alors, comment on fait pour les ouvrir les portes là, donc, en fin de compte, est-ce que le chemin t'intéresse plus que le but ou le contraire ? C'est le chemin qui est intéressant. C'est cheminer ensemble qui est intéressant. Parce que le but, je ne sais pas où il est. D'accord. Actuellement, c'est l'émerveillement. Alors, c'est quoi un émerveillement ? Est-ce que c'est une illusion ? C'est... voilà. L'émerveillement. Tiens, réfléchir à ça. À partir de quoi ? À l'émerveillement. Ah, ça, parce que c'est une notion extrêmement complexe. Oui, c'est ça. Et à expliquer. Et tu vois, je peut-être que le chemin. Peut-être que le chemin. Ton truc de Mathieu Ricard, là, le podcast. C'est intéressant. Lui aussi, c'est pas évident. Enfin, il dit je m'émerveille devant une mousse. Oui, c'est ça. Puis, toi, tu dis. Je me suis émerveillé devant certains paysages du côté du TID, et puis toi tu dis, moi je ne me suis pas trop émerveillé, ça m'a paru un peu fade, un peu grisâtre. Un peu austère, oui, tout à fait. C'est pas évident du tout, quoi. Alors, tu as employé le mot pont tout à l'heure. Oui. Ben, on a un très joli pont à Auray. Non, mais c'est peut-être... Un symbole qui peut être exploité, de faire franchir le pont d'une rive à l'autre pour amener le jardin, lui faire passer une rive pour l'amener au merveilleux. Il y a peut-être quelque chose à faire là, de ce côté-là. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que là-dedans... où est-ce qu'on va faire paraître ce pont ? Moi, j'ai réfléchi l'autre jour, justement, en revenant de Séville dans l'avion, j'ai écrit, c'est vrai qu'il y a la notion de pont, la notion de lien, d'association, de proximité, voilà, il y a pas mal de choses qui sont... alors, comment ça va apparaître dans les... ça va apparaître, en fait, dans chacun de ces quatre. D'accord. Tous ces trucs-là. D'accord. L'environnement, le jardin, en fait, c'est un environnement de proximité. C'est celui dans lequel on est. Ensemble, ce sont ceux qui sont proches, les prochains, ce qu'on appelle les prochains. D'accord. Voilà. L'eau, elle fait partie, en fait, de nous et de notre environnement. Donc, c'est aussi quelque... Les ponts qui existent même à l'intérieur de notre corps, ça bien existe. Bien sûr. C'est partout, en fait. Alors, il y a peut-être un moyen d'y arriver. Moi, je crois beaucoup au pouvoir de l'image. Oui. Et ce pouvoir de l'image, on pourrait petit à petit le faire évoluer sur chacune de nos pages. Bon. L'idée, hein, voilà, c'est est-ce que chaque jardin que j'ai mis en tête, pardonne-moi, je bafouille un peu, mais est-ce qu'on ne pourrait pas reprendre toute la symbolique que tu viens d'évoquer à partir de photos faites autour du port de Saint-Goustan, avec son pont, avec l'eau, avec ses bateaux, avec etc., etc. Et est-ce qu'on ne pourrait pas se définir, se définir une photo par page qui prend l'auditoire, outre celle du quadriptyque que tu viens de soumettre là et qu'on... Et qui peut être une bonne approche, mais est-ce qu'on pourrait, avec une photo par page, amener notre auditoire vers le merveilleux ? Et si oui, quelle photo t'aimerais bien mettre ? Comment tu vois les choses? Et là, je sors un petit papier pour noter, parce que là, c'est important. Oui, d'autant plus que tu es sur place et que tu peux aller faire des photos. Exactement. Et que j'en ai même déjà faites, il y a des bonnes et des moins bonnes, mais je pense que ça peut être... Bon, alors, ça focalise géographiquement les choses. Hein. On sort d'une symbolique plus large, mais je pense que d'utiliser la matière première de Saint-Goustan, on peut faire quelque chose. Je sais pas, c'est une idée. Alors, ce que tu enregistres, moi j'écris en même temps. Ouais. Non, mais je vais écrire aussi, parce que s'il faut produire des photos, pour les mettre où d'abord, moi je te parle pour l'instant de la page d'accueil. Il faut quelque chose à la page d'accueil. Alors, on peut peut-être la laisser de côté pour l'instant, sachant que sur cette page d'accueil, il y a ton quadriptyque qui va venir pleine page en dessous. Hein. On peut évoquer avec l'eau, grandir ensemble, etc. Alors, est-ce que les moyens informatiques sont énormes? Bien sûr. Est-ce que, par exemple, on peut faire apparaître... là, j'ai mis des photos, mais le fait de parcourir, de se mettre dessus avec la souris, ferait apparaître... un truc, une deuxième photo correspondant à une partie de Saint-Goustan, une partie du jardin, une partie de, par exemple. Alors, deux choses. La première, bien sûr, la chose est faisable et c'est même peut-être vers ça qu'il faut aller. Je ne suis pas sûr, il faut que j'y réfléchisse, d'être capable techniquement de faire ça. Oui. Hein? Moi, mes moyens... mes moyens techniques sont limités aux productions que j'ai déjà faites. Ça, j'ai pas encore fait ça. Ça peut venir. On peut réfléchir là-dessus. Non. Oui, ça, on peut le faire. Bon. Et ça, on peut le faire. Et on peut, en cliquant sur ce triptyque, aller sur la page concernée. Oui. Bon, ça, c'est une chose. Maintenant, moi, je suis à ouvrir le site, à sa première page d'accueil, et de savoir quelle photo je vais mettre en haut, là, à la place de notre Dieu qui veut rencontrer Adam. Oui. Tu vois, je te parle de ça, là, pour l'instant. Allez-y, je ne sais pas. Et voilà. Là, ça, je ne sais pas. Bon, tu ne sais pas. Les pages d'accueil, je ne sais pas. Alors, les pages d'accueil, tu ne sais pas. Est-ce qu'avec l'eau, on peut... alors l'eau, bien sûr, tu as toujours le même tableau, mais est-ce qu'avec l'eau, on pourrait peut-être produire quelque chose? Ah, mais bien sûr, puisqu'on a une source. On a une source. Qui n'est pas très photogénique. Elle n'est pas très photogénique, hein, cette source. Hein, mais par contre, on a de l'eau à côté. Hein. De l'eau à côté, c'est-à-dire? Le loch. Oui, on a le loch. Ouais. Oui. Comment essayer de mettre en valeur l'ensemble avec le loch, d'autant plus qu'il est question que le jardin, en fait, et sa prolongation de l'autre côté chez Madame Fournereau. Donc, il y a le loch entre les deux. Ah, tu peux m'en dire un peu plus là, sur ce que tu viens de dire? Je suis allé voir Madame Fournereau. Et je lui ai parlé de ça. Et quand je lui ai parlé de ça, elle m'a dit ben c'est super parce que c'est vrai que le jardin en face, là, il est dans un drôle d'état. Mais le mien n'est pas terrible non plus. En fait, je n'ai plus les moyens d'entretenir quoi que ce soit. Et en plus de ça, il y a tellement de contraintes que. D'accord. Et donc, elle m'a dit ben, si on arrivait à faire quelque chose, pourquoi pas? D'accord. Ah, mais ça, c'est important d'avoir une porte ouverte sur l'autre rive. Oui. On peut même avoir quelque chose d'une rive à l'autre. C'est ça. Et même, un bateau qui passe de l'un à l'autre. Enfin, il y a un lien. Il y a un lien, en fait. Le lien, c'est un pont. C'est un pont, oui, mais on ne va pas créer un pont, ça, c'est clair. Non, mais on en a déjà un. Voilà. Alors, il y a peut-être une promenade à faire entre cette partie de jardin et l'autre partie qui est de l'autre côté, en passant par le pont de Saint-Goustan. Ouais. D'autant plus qu'il y a déjà très petit, voilà, avec 3-4 poubelles dedans, pour l'instant. Où ça? À côté rue du Salem. Il y a un petit endroit avec bancs et poubelles, bon, qui pourrait être sans doute un peu amélioré, qui fait partie de la promenade. Du paysage, ouais. Oui. Alors, une chose qui peut être faite, c'est une vidéo. Oui. Une vidéo qui pourrait partir d'une rive et d'aller sur l'autre. Oui. En passant par le pont. Oui. Je sais pas. Qu'est-ce que... Oui, il y a quelque chose, mais le problème de la vidéo, c'est que est-ce qu'on va montrer qu'on peut améliorer ça en l'état actuel, parce que actuellement c'est... Améliorer le jardin. Ah, mais on peut faire un avant et un après, oui. Oui, c'est ça. Alors, est-ce que c'est avec une vidéo, il ne faut pas qu'elle soit trop longue, parce que sans ça, on ne va pas jusqu'au bout. Tout à fait. Mais c'est des vidéos d'une minute, avec des séquences de 15 à 20 secondes, quoi. 15 à 20 secondes, tu montres des choses, ouais. Et tu conserves tu ne perds pas ton auditoire avec une vidéo d'une minute. Surtout si elle est bien faite. Bon, là, il faudrait bien réfléchir à ça, etc. Mais je pense que la vidéo peut être un moyen de traverser la rivière. Oui, c'est un moyen dynamique. Dynamique, tout à fait. Bon, oui. Mais je suis à buter toujours sur les titres que tu as donnés, si tu veux, avec l'eau, créer, grandir, etc. Mais avec l'eau... L'eau, il peut y avoir un pont, mais faut avoir un message à donner. Mm. Tu me disais que tu avais pas mal de matières premières écrites. Oui. Tu es capable de commencer à les mettre sur le site? Ben, j'avais commencé à le faire, mais c'est vrai que y a des choses qui sont un peu hard, un peu ésotérique, trop théorique, voilà, qui font fuir. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire, parce que tu viens d'employer des mots qui ont un vrai sens, en tout cas pour moi, quand on parle d'ésotérisme, quand on parle de hard, etc., etc. Bon, tout ça, ça se prépare. Mmh. Tu peux passer d'un bord de la rivière à l'autre en te préparant à une nouvelle perception, avec des yeux qui vont voir les choses différemment d'une rive à l'autre. Là, j'essaye d'amener un petit peu de l'eau à ton moulin. Ces propos-là, tu pourrais les séquencer et les mettre sur les pages concernées que tu as écrites ou pas ? Il faudra un peu de temps. Oui. Non, mais ça resterait à l'état de brouillon, si tu veux. Oui. Ça resterait à l'état de brouillon, quoique si on a les mots directeurs, Google, il va se charger de les prendre en charge. Mais cet état de brouillon, c'est quelque chose qui se corrige, c'est quelque chose qui s'amende, c'est quelque chose qui évolue. De toute façon, on est sur une démarche évolutive. Hein. On n'est pas figé dans des trucs et des machins. Non, on est Le site actuellement, quand je vais dessus, est-ce que c'est un site qui était encore juste partagé entre nous ou bien qui est déjà publié? On peut vérifier. On va le faire tout de suite. Alors attends, pour ça, il faut que je me mette sur Google. Google n'est pas mon moteur de recherche. J'utilise un autre moteur de recherche qui s'appelle Quant. Oui. Qui est beaucoup plus paisible. Alors, jardin merveilleux. Je vais mettre Saint-Goustan, ouais, Saint-Goustan, vrai. Alors, quand tu tapes un jardin merveilleux, tu as en premier l'article de Ouest-France. Oui. Oui, mais ça c'est normal, on le retrouvera et il faut s'appuyer là-dessus parce que c'est quelque chose qui est très bien référencé, sauf si tu veux pas, si tu le veux pas. On a un jardin éphémère à Auray, cet été un jardin éphémère verra le jour. Alors, est-ce qu'on parle de le 1er juin 2019 Saint-Goustan, les jardins de Saint-Goustan. Non, c'est pas encore référencé. Ah, attends, en voilà un autre. Un jardin merveilleux en projet sur le balcon du Loc. C'est quoi ça? Oui, alors, en premier, j'ai le jardin merveilleux au projet, oui. Ouais. D'accord. Là, je suis 5 ou 6 items plus loin. Un jardin merveilleux en projet sur le balcon du Loc à Saint-Goustan. Entretien avec Philippe Westphal, ingénieur et enseignant à la retraite. Pourquoi créer un jardin merveilleux? C'est ça. Bon. Là, je l'ai. Je l'ai aussi. Il arrive en premier sur Google. Puisque je l'ai fait sur Google. Oui, parce que là, tu parles de l'article de Ouest-France. Moi, je te parle d'autre chose. Cet article de Ouest-France, il a été repris en compte par un truc qui s'appelle titrepresse.com. Exact, titrepresse.com. Oui. Tu le retrouves en cinquième ou sixième position. Voilà. C'est ça. Bon, donc, tout ça pour te dire qu'un jardin merveilleux, pour l'instant, il n'est pas pris en compte. Attends, je vérifie autre chose. J'ai un autre truc sur machinfacebook.com. Ah, ça aussi, hein, c'est des choses dont il faut qu'on parle, ça, Facebook. Mais bon, c'est pour un autre moment. Alors, pour l'instant, j'ai Ouest France, j'ai Facebook, j'ai Titre Presse, j'ai toute une série de photos. Après ça, c'est Jardin éphémère, oui. Ouais. C'est autre chose. Un autre, et Newslocker. On change. Alors, attends. Je vais essayer de répondre à ta question. Et sur govserve.org, France, bon. Zut, alors, j'ai perdu. Il faut... Bon, pour moi, si tu veux, ça a peut-être été commencé à être référencé par Google, mais rien de manifeste. Mais il faudrait que j'aille plus loin, parce que là, il faut que j'aille dans les entrailles de ce qu'on appelle Google Site. Tu connais Google Site? Oui, bien sûr. Non, mais le Google qui te permet d'analyser les sites. Ah oui, d'accord. Et ça, il faut que j'aille dessus. Ben, je vais regarder, ouais. Je vais m'occuper de ça. Je vais regarder pour savoir où on en est. Mais il n'en reste pas moins que pour l'instant, tout est à faire. C'est ça. Alors, je ne sais pas où on en était. On en est à chercher en fait des photos pour les... Ouais, les en-têtes. Les en-têtes de base. Les en-têtes, hein. Il y en a qu'on va garder, c'est celui de Merveilleux avec Michel-Ange. Ouais, d'accord. Ça va. Mais tous les autres maintenant ne sont pas créés. D'accord. Alors, ouais. Je vais les supprimer. Je vais supprimer celui-là. Changer d'image. Ah non, je ne vais pas le supprimer parce que j'aime bien voir. Non, je ne le supprime pas tout de suite. Mais alors, qu'est-ce qu'on mettrait en page d'accueil? Qu'est-ce qu'on mettrait avec l'eau? Qu'est-ce qu'on mettrait créer, grandir, ensemble, dans un jardin? Eh bien voilà. Bon. C'est bien de poser les questions. Mais... hein? Non, mais voilà. Je pense que c'est important qu'on puisse... qu'on puisse réfléchir avec ça. Ça amène peut-être aussi à dire, est-ce que la segmentation, ou plutôt les titres de segmentation que tu as choisi toi, sont peuvent être amendés ou pas, avec l'eau, créer, grandir ensemble dans un jardin merveilleux, etc. Est-ce que ça, ça peut t'amener à évoluer? Je dirais que là-dedans, c'est ce domaine, en fait, évolue tout le temps. C'est un peu pour ça que j'avais dit, bon, je mets de côté, je prends des notes, je fais des photos, et puis, en fait, je n'arrivais pas à agencer quoi que ce soit parce que ça change, parce que ça évolue tout le temps. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, ce que je te propose, eh bien, c'est... je vais t'envoyer la patate chaude. Hein. Oui. C'est que... tu te penches sur cette question de photo. Oui. Mais après avoir mis du texte en dessous, je m'explique. Le texte peut amener à la photo. Le texte peut expliciter une photo. Et donner, une photo peut donner un sens à un texte. Et c'est la symbiose des deux qui va faire que tout ça a une bonne organisation. Mmh. Et si tu me dis que tu as déjà de l'écrit sur « Avec l'eau, créer, grandir, ensemble, etc. » Mets-le. Mm. Et à partir de là, ensemble, on pourra, à partir du texte que tu as fait, on peut faire évoluer les choses. Parce que là, pour l'instant, moi, je suis un peu de... Je manque de matière première, quoi, pour t'aider. Mm. Hein? Je manque de matières premières. Le petit, comment dire, les idées pour le site que tu viens de m'envoyer, c'est une chose, mais il faut étayer tout ça. Et si tu étais, on pourra là derrière. Moi, avec du texte, je sais peut-être te créer ou te donner ou rechercher les bonnes photos. Qui oui. puisse donner un sens, tu comprends? D'accord. Choisir, faire la photo. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que mettre d'abord le texte. Mettre d'abord le texte à chaque page. Et sachant que ce texte, il va évoluer. Mmh. Et dans ce texte, d'avoir à cœur, d'avoir les bons mots directeurs. Ça aussi, ça, c'est temps. Oui. Bon, c'est encore autre chose, mais ça va venir petit à petit. Ça. Qu'est-ce que tu en penses? Oui. Écoute, mais par exemple, je pensais à une chose, c'est que actuellement, au niveau de l'eau, tout ce que j'ai vu qui était invitant, qui interrogeait et qui est amené à avancer, je l'ai vu ailleurs qu'à Auray. J'ai compris. Et c'est parce que j'ai découvert qu'il y avait une source, c'est parce que en fait on est en bordure de l'eau qu'il y a quelque chose. C'est aussi parce que on a en fait un système d'assainissement et d'eau de pluie qui arrive juste au droit de la propriété là-haut, qui permettra de récupérer encore plus d'eau que qu'on peut imaginer quelque chose d'assez intéressant. D'accord. Mais c'est vrai que ça, je l'ai expérimenté pendant 7 ans, lorsque j'ai enseigné à des BTS et licences pro, gestion et maîtrise de l'eau. Et c'est avec eux que j'ai développé ça. Alors, est-ce que tu as, à travers cette expérience d'enseignement, un site, c'est un enseignement d'une façon quelconque. Est-ce que tu as vécu des expériences qui sont suffisamment comment te dire, qui puissent illustrer ta démarche pour t'amener vers le merveilleux? Est-ce que tu as des expériences concrètes? Est-ce qu'on peut transposer de l'expérience d'hier pour le ramener à aujourd'hui dans un site qui s'appelle le Jardin Merveilleux à Auray? Est-ce qu'on peut faire de la transposition dans ce domaine? En un mot, est-ce que tu as de la matière première qui peut servir à étayer le site? Alors, c'est dans la mesure où c'est du cheminement, c'est le cheminement. Dans l'enseignement, c'est le cheminement avec les jeunes ou avec ceux que la relation enseignant-enseigné qui fait que, mais quand tu accompagnes la personne, tu n'es pas tout le temps avec l'appareil photo à la main. Nous sommes d'accord. Non, non, mais là, ouais. Là, je parlais de texte, je parlais de notes, je parlais de PowerPoint, je parlais de quelque chose d'un peu imagé. Qui te permet d'enseigner, quoi. Quand tu enseignes, tu as besoin d'avoir un peu de matière première, quoi. Et c'est vrai que j'ai ponctué en fait toutes ces progressions avec justement des photos et des textes et des PowerPoint qui d'ailleurs pour certains ont permis d'obtenir des subventions. Par exemple. Donc c'est des dossiers qui sont solides et qui permettent de bien. Alors on peut très bien imaginer. Pardonne-moi, mais j'essaye de te conduire vers des pistes qui peuvent nous satisfaire à ce qui nous réunit aujourd'hui, si tu veux. Donc, tu as de la matière première qui a été faite à de multiples occasions dans de multiples domaines. Tu as des expériences réussies, d'autres un peu moins. Ces questions-là peuvent être entre guillemets, des post-scriptum pour illustrer un texte. Tu vois, j'appelle ça un post-scriptum pour positionner les choses sur le papier, mais ça peut être des idées premières, ça peut être... Mais c'est de la matière première vivante que tu as pu exploiter pour amener ces jeunes d'un point A à un point B. Et en fin de compte, tu as exactement la même problématique à résoudre avec un site internet où tu dois amener d'un point A à un point B, d'un point B à un point C, et ainsi de suite. Est-ce qu'on est bien en phase là, toi et moi? Et à mon sens, tu peux peut-être te servir de ces vécus, de ces expériences, avec leur heure et aussi leur malheur, hein, parce que c'est formateur, ça aussi, et de façon à permettre de passer d'un point à un autre. Est-ce que c'est jouable, ce que je te dis là? Forcément que ce sont des expériences qui... et c'est à la suite de ces expériences-là que l'idée du jardin merveilleux a été, a pris corps. C'est que... Il y a eu des choses, bon, c'est 43 années d'enseignement, c'est pas rien, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des choses, qui se sont très très bien passées. Il y a toujours eu des heures, à un moment ou à un autre, bien sûr, qui ont fait que, même si on a atteint des niveaux très chouettes, ça n'a jamais été transcendant à la fin. En fait, il manquait la cerise sur le gâteau. La cerise sur le gâteau, en fait, sera Saint-Goustan. C'est là le... Oui, et tu viens d'employer un mot de transcendance. Oui. La transcendance, c'est notre merveilleux. C'est le but à atteindre, la transcendance. Mmh. Hein? C'est donc le merveilleux. Donc, c'est amusant. J'aime bien cette discussion qu'on a ensemble, là, parce que d'abord, tu joues bien le jeu. Quand je t'écoute, je me dis que tu as des tas de choses à dire et qui peuvent être très intéressantes. C'est pour ça que j'ai bien voulu t'accompagner dans cette démarche de site qui va te permettre de formaliser ta pensée. Mais est-ce que tu as déjà pensé à écrire un bouquin là-dessus? Un bouquin ou un mémoire ou un truc, pas forcément quelque chose... Non. Peut-être. Il y a un moment où, en fait, j'avais l'intention d'écrire un bouquin sur toutes les conneries que j'ai pu rencontrer. Puis je me suis dit, il y en a déjà assez comme ça, qui sont là pour... Oui, mais c'est pas positif, ça. Restons dans le positif. Voilà. Ceci étant, il y en a beaucoup aussi qui sont dans le positif. La démarche de Mathurie Carp et d'autres, là je suis en train de lire Retour vers l'émerveillement, qui est aussi très intéressant, mais c'est vrai que j'en lis deux pages à la fois, parce que c'est tellement dense, ouais. Et que c'est pas ouvert, en fait, c'est pas ouvert à tout le monde, ouais. ce genre de choses. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors, écrire un bouquin, non, mais par contre, pour l'instant, enfin, je sais pas, je me sens pas de le faire, mais par contre, on a fait, on a déposé un projet d'œuvre d'art à un concours, et un concours de la fondation François Schneider, qui est à Bad Villers. On attend, j'attends incessamment sous peu le résultat, mais qui serait en fait le résultat tangible, matériel de toute cette progression de 7 ans sur la gestion et maîtrise de l'eau. Ah, mais c'est vachement bien ça. Ce qui fait que c'est quelque chose, si le projet est accepté, il va être financé pour la fabrication de cette œuvre d'art, dont on a fait une maquette, qu'on a représentée, que j'ai aussi mis sur, dont la présentation a été mise sur... Non, on ne l'a pas mise sur Internet, justement pour la protéger tant qu'elle n'était pas encore validée. D'accord, d'accord. Voilà. Mais par contre, tu peux en parler de cette œuvre d'art, c'est quoi ? Ça se traduit par quoi, avec tes mots à toi ? C'est. Alors, son nom, c'est Anemo Nero Kinetis. Alors, Anemo, le vent. Nero, en grec, c'est l'eau. Ouais. Kinetis, le mouvement. Le mouvement, oui. Voilà. Donc, c'est en fait une œuvre, c'est un espèce de comment on appelle ça, là ? Les trucs de. Les éoliennes ? Non. Ces trucs qui fonctionnent, enfin qui sont suspendus là, les mobiles. Ah, les mobiles, ouais, c'est du calder. Voilà, c'est du calder. C'est un mobile qui fonctionne en fait avec le vent et avec la pluie. Ce qui fait que, en fonction de ce qui domine localement, ça va fonctionner dans un sens ou ça va fonctionner dans un autre sens. D'accord, ok. C'est métallique, c'est en bois, c'est quoi ? Alors, c'est en principe, c'est métallique. Et l'œuvre d'art devrait faire entre 3 et 5 mètres de haut. C'est sur pivot ? C'est sur pivot, oui, puisque en fait, ouais. Ça marche avec le vent, donc il faut que ça puisse s'orienter. D'accord. Sur le vent. Là. D'accord. D'accord. Et c'est autonome ? C'est ? Autonome. C'est autonome. D'accord. C'est donc gouverné par les éléments. C'est ça. C'est gouverné par les éléments, et ça peut donner d'ailleurs une indication sur... l'énergie locale, quel est en fait le plus important ? Est-ce que c'est la précipitation qui a lieu, ou est-ce que c'est le vent qui domine ? Et le problème là-dedans, et on l'a imaginé d'ailleurs avec j'ai fait travailler des ingénieurs dessus, des ingénieurs de l'École nationale de génie de l'eau, que j'avais en stage, en fait, comment s'appelle ça, des projets, des pré-projets, voilà. Et on se disait, si on met ça à côté d'un bureau, les gens vont passer leur temps à le regarder. Parce que ça va tout le temps changer, ça va s'orienter, ça va fonctionner dans un sens, d'accord. Fonctionner dans l'autre. C'est peut-être pas très bon dans une zone industrielle. Quoi. Ouais. C'est en couleur ? Ça peut être en couleur. Pour l'instant, c'est surtout la structure et le mouvement qui ont été proposés. C'est du calder, quoi, pour l'instant. Pour l'instant, c'est du calder. D'accord, d'accord. Tu avais vu l'exposition de Calder à Paris, à Bobo ? En fait, on l'a parcouru avec les élèves, ce genre de choses, puisque dans la conception, on a regardé un peu ce qui se faisait aussi. Hein. Bien sûr. Bon, il y a Calder, il y avait, comment il s'appelle déjà, celui de Lanzarote, là. L'artiste, là, il en a mis à chaque... il y a eu un mobile comme ça à chaque rond-point... Ah, d'accord, ok. Bon, alors ça c'est intéressant, tout ce qui est en mouvement est intéressant, mais quand je regarde un petit peu l'architecture du site, on est dans le mouvement. Oui. On est dans le mouvement de l'eau, en tout cas. On est dans le mouvement... lorsque Dieu rencontre Adam, ce que j'ai en face de moi pour l'instant, là, il y a un sacré mouvement qui est en marche. Et ça peut être un vecteur qui te permette de passer de l'un à l'autre. D'une page à l'autre, le mouvement. Oui. Bon, écoute, il faut réfléchir à tout ça. Alors, moi, ce que je vais te proposer, c'est la chose suivante. Je résume où j'en suis pour l'instant, voir si on est bien en phase, toi et moi. On a défini un bandeau avec des titres de page. On sait que ces titres de page, ils ne sont pas forcément figés. On sait que chaque page doit être illustrée par un texte et une photo. Une photo qui est la réplique du texte. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là ? Oui, c'est bon. Bon. Combien de temps te faut-il pour schématiquement, hein, on n'est pas à fignoler les virgules et la ponctuation, mais pour avoir un texte qui illustrerait les pages, mais un copier-coller de ce que tu as déjà fait, que tu vas sortir de la mémoire de tes ou de ton ordi. Mm. Et une fois qu'on a fait ça, une fois que j'ai un texte, moi je peux mettre des photos, quoi, parce que ça va me parler, quoi, en principe. Oui. Et à partir de là, qu'on convienne ensemble de photos. Alors, on peut le faire globalement, c'est-à-dire qu'on se fait toutes les pages, ou est-ce qu'on peut se donner rendez-vous dans une semaine avec une ou deux pages et un texte correspondant et sur lequel on échange et, en fin de compte, je suis à chercher avec toi une méthode de travail, oui, dans laquelle tu te reconnaisses, dans laquelle je me reconnaisse et qui peut nous amener à, bien sûr, méthode évolutive, hein, on n'est pas figé pour, par ceci ou par cela, mais c'est ce qui va nous gouverner pour avancer dans la création de ce site, quoi. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, je suis d'accord pour qu'on se redonne rendez-vous la semaine prochaine là-dessus. D'accord. Que je vais chercher, en fait, des textes pour chacune de ces pages, ouais, pour que tu arrives à concevoir, à imaginer, en fait, des photos qui pourraient être un message. Je peux même t'en proposer, oui, que tu te donnes, oui, tu aies une idée. Oui, alors, ces photos-là, tu peux les mettre à la suite ou du texte ou dans le cadre du texte, etc., etc. Oui, oui, tout à fait, très bien, très bien. Ouais, alors, ouais. Ce que je vais faire, c'est ce que je te propose de faire, c'est d'utiliser donc le machin pour site PW là. Bon, j'ai déjà commencé à écrire dessus, ouais, version 2. Ouais. Et en fait, au fur et à mesure, bon, je vais faire du copier-coller que j'ai pris, que j'ai mis ailleurs, ouais, et que je vais arranger aussi un peu, de mettre dessus, et de mettre dessus aussi les photos que je pourrais te proposer. Et toi, tu pourrais en proposer aussi. Ouais, alors, oui, moi je ne pourrais te faire des propositions que lorsque j'aurai un texte. Non, c'est ça, moi je mets le texte. Par contre, ce que je souhaiterais, oui, si tu en es d'accord, c'est que nous communiquions non pas à travers la page d'écriture que tu m'as envoyée tout à l'heure, oui, mais sur le site lui-même. D'accord, ça marche. Sur le site lui-même, comme ça, on est dans le concret, on est in situ, et on peut, je dirais, moi ça me parlera beaucoup plus, si tu veux. Plutôt que d'avoir à faire un aller-retour. Ça marche. Hein, tu es d'accord? D'accord. Donc je mettrai les textes sur le site. Voilà. Les textes et les photos. D'accord. Hein? Qu'est-ce que tu tapes? Tout ce qu'on vient de se dire. C'est formidable, ça. Oui. Bon. Qu'est-ce que je veux dire? Bon, est-ce que la méthode de travail que je te propose te convient? Ça marche. Pas de souci particulier. Pas de souci. En fait, là, on travaille tous les deux sur le site. Tu le vois évoluer, donc du coup, tu peux faire des propositions. Oui. C'est ce que je faisais avec des collègues, mais sur Dropbox. Sur un dossier, en fait, où on était plusieurs à le faire évoluer. Tout à fait, des dossiers collaboratifs. Là, moi, je me sers de... Et il faut que tu saches que l'origine de Google Sites, c'était ça. Oui. Tu l'as peut-être su, ça. C'était des projets universitaires qui évoluaient comme ça, dans une même fac, avec des étudiants qui travaillaient sur un même... sur un même support. Mmh. Bon, voilà. Bon, ben ça me va bien. Donc, je vais te voir évoluer tranquillement. Qu'est-ce qu'on peut se convenir comme autre rendez-vous la semaine prochaine? Alors, pour l'instant, moi, j'ai toujours mon billet de train pour venir jeudi prochain. Donc, on peut se donner rendez-vous mercredi ou un truc comme ça. Je sais pas. Ou mardi. C'est en fonction de ton avancement. Oui, c'est ça. On va dire mercredi, hein, en fonction de ton avancement. Puis comme ça, je te dirai un petit peu pour ton train ce qui se passe ici, comment les choses évoluent, etc. etc. Pour l'instant, si je puis me permettre, je te le déconseille. Je te le déconseille parce que Macron, ce soir, va nous amener vers... il va reporter les élections, il y a de grandes chances. Ah oui. Il va nous amener peut-être vers des confinements un peu partiels. Je ne sais pas, moi, c'est ce que je ferai à sa place. On l'a entendu parler, il disait que ce n'était qu'au début. Donc, ça veut dire qu'il s'attend à... Voilà, il va être un peu plus contraignante. Oui, mais il va nous... Je pense qu'on n'a pas fini, là. Hein. Oui. Donc... Je te propose, on se téléphone mercredi 18 sur Skype à 17h comme maintenant, ça te va ? C'est très bien. Hein ? D'accord ? Et puis, dans l'intervalle, tu bosses, et puis moi, j'essaye de te suivre. Ça marche. Ça te va ? Ça va très bien comme ça. Bon, mes amitiés à tous les deux, passez du bon temps. Et puis, rendez-vous mercredi 18 à 17h sur Skype. Salut, ciao. Et Michaela aussi te salue.